Tu as pensé à payer la facture d'électricité ? Oui, j'ai payé. Et j'ai envoyé la facture d'électricité. Tu as laissé le double des clés à la gardienne ? Oui. Elle a même proposé d'arroser les plantes et j'ai accepté. Tu as fermé toutes les fenêtres ? Oui. Rachel, tu penses à tout. Tu es vraiment un ange. Zut ! J'ai oublié quelque chose. Quoi ? Mon petit magnétophone pour enregistrer cette belle déclaration.